Eh bien, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Fadjet et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Alors, à l'occasion de la sortie du dernier Claude Lelouch, donc l'amour c'est mieux que la vie, eh bien, nous avons décidé de consacrer cette émission avec donc les principales bandes originales des films de Claude Lelouch. Et comme chaque semaine, cette émission sera co-animée avec Francine. Alors, bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors, Francine, tu sais que lorsqu'on évoque les films de Lelouch, on ne peut pas ne pas évoquer Francis Lai, tant les deux noms sont liés. Alors, que peux-tu dire sur cette relation professionnelle exceptionnelle entre Lelouch et Francis Lai? Francis Lai est bien davantage que mon compositeur, il est mon double avec des notes. C'est avec ces mots que Claude Lelouch évoque son indispensable complice musicien rencontré en 1965 grâce à Pierre Barou. Le jeune co-cinéaste offre la chance de sa vie au compositeur en l'impliquant dans l'aventure de Un homme et une femme. On connaît la suite, succès international, Palme d'Or à Cannes et avalanche de reprises de Frank Sinatra à Ella Fitzgerald. Dès lors, les délicates mélodies de Francis Lai deviendront à jamais indissociables du cinéma sentimental selon Claude Lelouch. Et oui Francine, c'est essentiellement ces donc collaborations que nous allons donc évoquer tout au long de cette émission. Donc sans plus tarder, voici donc le numéro spécial de la boîte à BO Claude Lelouch. Et merci de rester fidèle à Radio Fadjet. Alors je vous propose donc de retrouver un véritable donc itinéraire musical qui ressuscite de formidables émotions donc de cinéma à travers tous ces films de Claude Lelouch, à commencer par Un homme et une femme, son premier grand succès en 1966, avec un palmarès impressionnant, Palme d'Or au Festival de Cannes, donc puis Un homme et une femme remporte deux Oscars en 1966, celui du meilleur film étranger et celui du meilleur scénario. Au total, le film remporte 42 récompenses dans le monde. Et c'est en ce baladant un 13 septembre 1965 sur la plage de Deauville que Claude Lelouch a eu l'idée d'Un homme et une femme. La vision lointaine, une très belle femme jouant avec une petite fille, a en effet joué le rôle de déclencheur. Alors la première actrice à qui pensa Claude Lelouch pour le rôle d'Anne Gauthier fut Romy Schneider. Malheureusement, sa rencontre avec celle-ci en Normandie se solda par un véritable fiasco et Romy Schneider émit de nombreuses critiques sur le réalisateur avant de prendre connaissance de son ébauche de scénario. Alors Jérôme, sais-tu que pour des raisons financières, Claude Lelouch décida de tourner les extérieurs de son film en couleur et les intérieurs en noir et blanc? Et bien finalement, ce procédé donne finalement un certain charme à ce film. Alors, première collaboration donc avec Francis Lai, ils ne vont quasiment plus se quitter puisque Francis Lai signera la BO de la plupart des films de Lelouch. Je vous propose donc de retrouver sans plus tarder donc la bande originale de ce film « Un homme et une femme ». Ba ba da ba da ba ba da. Alors aujourd'hui, spécial boîte à BO Claude Lelouch, et on continue donc avec le film Un homme qui me plaît de 69 avec Jean-Paul Belmondo et Annie Girardot. Alors une histoire toute simple, au cours d'un tournage à Los Angeles, une actrice, Françoise, et un compositeur, Henri, tombent amoureux l'un de l'autre. Si l'histoire paraît simple, le traitement est bien plus subtil que cela. L'histoire est clairement amenée sous l'angle de vue de Françoise. C'est un film finalement profondément féministe, mais Annie Girardot est superbe de naturel. Et oui, Francine, moi j'ai eu la chance d'assister à une conférence avec Claude Lelouch au festival de Pont-à-Mousson des Notes et des Toiles, où il expliquait justement la scène finale de ce film où l'actrice Annie Girardot révèle tout son talent. Elle attend désespérément donc la venue donc d'Hervé, interprété par Jean-Paul Belmondo, à l'aéroport de Nice et scrute chaque passager qui en sort. Or, Lelouch ne lui a pas dit si Belmondo sortirait de cet avion, et le visage d'Annie Girardot prend toutes sortes d'expression. Une véritable leçon de cinéma, en tout cas une scène bouleversante qui prouve qu'Annie Girardot était l'une des meilleures actrices françaises quand on lui propose des rôles à la hauteur de son immense talent. Il ne faut pas oublier aussi la magnifique musique de Francis Lai que je vous propose de retrouver, et la musique donc qui accompagne la scène finale qui est bouleversante. Voilà, vous venez d'écouter la donc formidable bande-annonce donc d'un homme qui me plaît. Passons maintenant 1972 avec cette fois-ci le côté comédie avec C'est l'aventure, c'est l'aventure. Alors boudé par la critique à sa sortie en salle malgré un succès au box-office, eh bien ce film est propulsé avec les années au rang de film culte. En fait, le film raconte les pérégrinations de cinq malfrats qui se reconvertissent dans le kidnapping de personnalités et parmi elles, Johnny Hallyday qui joue donc son propre rôle. Alors c'est un film où la spontanéité est reine et où chacun peut laisser libre cours à ses improvisations les plus folles. Alors, se comportant comme de grands enfants, Lino Ventura, Aldo Machon, Jacques Brel, Charles Gérard et Charles Denner ne cessent de s'amuser et donc ils se souviennent également de cette séquence mythique, celle de la plage où Aldo Machon enseigne à ses quatre complices sa fameuse démarche très classe. Alors, c'est sur ce film que Lino Ventura et Jacques Brel sont devenus très amis et qu'ils auront le désir de retourner assez rapidement ensemble, c'est pourquoi ils se retrouveront un peu plus tard dans L'Emmerdeur. Ah oui, un film d'Edouard Molinaro qui est excellent également ce film. Alors la musique bien sûr de ce film est signée Francis Lai et justement Johnny y interprète la chanson L'Aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure, l'aventure, c'est l'aventure, elle est là qui vous attend à soir. Pas de pitié, il est trop tard, il faut gagner et oublier. Continue avec un film mythique de Claude Lelouch, Les uns et les autres, sorti en 1981. De 1936 à nos jours, quatre familles de nationalités différentes mais partageant une même passion pour la musique voient leur destin marqué par la Seconde Guerre mondiale. La musique joue un rôle central dans ce film. On retrouve bien évidemment Francis Lai mais aussi Michel Legrand qui dirigea de main de maître le boléro de Ravel à la fin du film. Je vous propose donc d'écouter un extrait de ce boléro. Voilà, c'était un extrait du Boléro de Ravel que donc interprète Francis Lai et puis Michel Legrand pour le film donc Les uns et les autres. Alors on va maintenant passer avec un de nos films coup de cœur donc de la rédaction, c'est Itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina, un des grands films de l'histoire du cinéma et le sans doute le meilleur film dans lequel apparaît Belmondo au sommet de son art, sans oublier Le jeu de Richard Anconina. Alors Itinéraire d'un enfant gâté a rencontré un très grand succès lors de sa sortie en salle. Cette réussite tient notamment au personnage improbable de Jean-Paul Belmondo, clown reconverti en un richissime homme d'affaires qui se cache en Afrique, puis dans un hôtel miteux de la région parisienne. Cet hôtel, Claude Lelouch l'a cherché longtemps avant de le trouver le long de la Nationale 1 à Saint-Brice-sous-Forêt. Alors le rôle de Belmondo lui vaut un César, le César du meilleur acteur en 1989. Alors, la musique du film est sublime. On vous fait plonger dans cette BO dans un premier temps avec un extrait donc de ce film signé donc bien sûr Francis Lai et on écoute dans quelques instants un second extrait. dans Itinéraire d'un enfant gâté, on retrouve également Nicole Croisy qui interprète la chanson, donc Itinéraire d'un enfant gâté, mais aussi J'aurais voulu être un artiste. Et je ne me lasse pas de cette interprétation, donc retrouvons-la tout de suite. T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air, entre New York et Singapour, tu voyages toujours en première. T'as ta résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Tu peux pas supporter la misère. T'es pas heureux, mais t'en as l'air. T'as perdu le sens de l'humour depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi et t'en es fier. Au fond, tu n'as qu'un seul regret, tu fais pas ce que t'aurais voulu faire. T'aurais voulu être un artiste. En 2015, un autre excellent film de Claude Lelouch, 1 plus 1 avec Jean Dujardin, Elsa Zilberstein, Christophe Lambert et Alice Paul. Claude Lelouch réalise un hommage au compositeur pour le cinéma à travers le personnage de Jean Dujardin qui incarne un compositeur parti en Inde travailler sur une version de Roméo et Juliette. Alors Claude Lelouch décrit lui-même le film comme un road movie à travers l'Inde, une comédie initiatique centrée sur l'histoire d'un mec qui se fout de tout sauf de ce qu'il fait et d'une femme. Donc retrouvons ce magnifique titre, la symphonie du hasard. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de la boîte à BO spéciale Claude Lelouch. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez pris plaisir de découvrir, de réécouter les BO de ce grand réalisateur. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien, Francine, merci d'avoir co-animé cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais oui, Jérôme, la semaine prochaine. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.